petite fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des zip, shibam, pa, plop, wheel. J'distribue les swings et les uppercuts. Ça fait, viens, ça fait, et ça fait, stop. Ou bien, ou parfois même un zip, shibam. Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des zip, shabam, pa, plop, wheel. Viens avec moi par-dessus les buildings, ça fait wheel. Quand on s'envole et puis cling. Après quoi je fais tilt. Et ça fait on, shabam. Viens faire